لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد on avait vu la semaine dernière ce que l'auteur avait écrit. Il avait dit وَنُؤْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعْلَهُمْ عَلَيْنَا حَاطِبِينَ. Nous avons foi aux nobles scribes, c'est-à-dire les anges qui veillent sur nous par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ الْمُوَكِّلِ بِقَبْدِ أَرْوَحِ الْعَالَمِينَ. Nous avons foi en l'ange de la mort auquel est confié le rôle de retirer les âmes des personnes au moment de leur mort. On avait lu aussi وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا وَسُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي قَبْرِهِ عَنْ رَبِّهِ وَدِينِهِ وَنَبِيِّهِ وَعَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. On avait dit aussi que nous avons foi au châtiment de la tombe pour celui qui le mérite, et croyons en l'interrogation du mort dans la tombe par Munkir et Nakir, le nom des deux anges qui viennent l'interroger, sur son Seigneur, sur sa religion et son prophète, conformément à l'enseignement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux. Nous, on avait parlé de la foi aux deux anges, les scribes qui notent. J'avais fait une petite erreur qu'on va rectifier. J'avais dit que Allah subhanahu wa ta'ala envoie 8 anges. Ça veut dire quoi? Il y en a deux qui écrivent, un à droite et un à gauche. Ces deux sont remplacés à Waqt al-Asr. Il y en a deux qui viennent du Fajr al-Asr, qui sont remplacés par deux autres, du Asr au Fajr. Donc ça nous fait combien? Ça nous fait 4. Plus deux autres qui viennent protéger l'insan et non pas protéger ses anges. Moi, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que ces deux anges viennent protéger les deux anges qui écrivent. Après vérification, je me suis aperçu que j'avais fait une erreur d'explication en disant que ces deux anges venaient protéger les deux autres anges. Non, ces deux autres anges sont là pour protéger l'insan de tout mal, bi-ibnillah. Parce que quand la prédestination arrive, ces anges-là ne peuvent rien faire. Donc ça nous fait 2 le matin, 2 le soir, ça fait 4, plus 2 protecteurs, ça fait 6, et ces 2 protecteurs aussi bi-idhnillah sont remplacés en même temps. C'est al-qat al-lazima. 2 qui viennent du matin jusqu'à l'asr, et du asr jusqu'au matin. Donc on retrouve bien nos 8 anges. D'accord? L'erreur qui a été rectifiée maintenant, c'est que ces 2 anges ne protègent pas les 2 anges qui écrivent, car un ange ne protège pas un autre ange. Un ange ne protège pas un autre ange, d'accord? Mais il protège le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand la prédestination arrive, si Allah subhanahu wa ta'ala écrit une chose pour telle personne ou telle personne, ces deux anges ne pourront rien faire. D'accord? Ça c'était pour la rectification. On avait parlé aussi de l'ange de la mort. L'ange de la mort, lui, il est là pour prendre la vie des humains. Mais c'est son travail. Son travail, c'est simplement de la sortir du corps. C'est de sortir quoi? La ruh, l'âme du corps. Comment maintenant l'âme, elle sort? Comment il a fait sortir? Allah, ça ne nous est pas demandé. Ça ne nous est pas demandé de savoir comment il fait pour la faire sortir. Nous, ce qui nous est demandé, c'est d'y croire. On avait parlé donc d'un hadith qui était divisé en deux. Où le prophète, alayhi salatu wa salam, avait donné la description du croyant lors de sa mort, à partir de l'agonie, au moment de l'agonie, jusqu'à son entrée au paradis. Aujourd'hui, on va terminer ce hadith-là parce qu'il était long, donc on l'a divisé en deux. On va voir la deuxième partie, qui est la description du kafir au moment de l'agonie jusqu'à son entrée en enfer. Pour ceux qui n'étaient pas là, bien sûr, les cassettes sont enregistrées. Donc, il suffit de les demander, elles vous seront données fi sabilillah. La seule chose qu'on demande aux frères, c'est de après les propager eux-mêmes. Fi sabilillah. Donc, on revient à la deuxième partie du hadith, après avoir lu et expliqué la première partie. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, continue en disant « وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرِ اِتَّقَطَرَ وَمِكْرِيَانِ وَفِي رِوَيَةٍ الْكَاجِرِ إِذَا كَانَ فِي مْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا » Quand il est à l'étape de l'agonie, quand il va mourir, ça y est, il lui reste plus beaucoup pour mourir. L'agonie, c'est quoi? C'est au moment où la mort, elle est proche. Il reste quelques minutes. Quelqu'un qui agonise, ça y est, le hijab a été enlevé. Le hijab qui est devant nous, là on ne voit pas ce qui se passe dans le monde de l'invisible. En fait, parce qu'on a un hijab. Mais au moment où l'insan, il va mourir, et subhanallah, on va le vivre. Ce qu'on dit là, on va le vivre. On va le vivre. On va mourir un jour. Ça, il faut bien que ça rentre dans les esprits. Bien que des fois, il y a certaines questions qui nous trottent dans la tête, on se dit, mais la mort, elle va m'atteindre, non? Non, elle atteint les autres, moi, elle ne va pas m'atteindre. Ça, des fois, c'est des questions qu'on se pose. On va mourir. Toute neuf. Tout corps qui a une âme, elle doit goûter à la mort. Il n'y a pas de changement dans la sunna d'Allah. C'est comme ça qu'Allah l'a créé. Et c'est comme ça qu'on est obligé de passer cette étape-là. C'est une épreuve à passer. Malgré le monde qui va venir, il viendra prendre sa vie. Que tu sois dans ton lit, que tu sois dans un avion, que tu sois en bateau, que tu sois en voiture. Allah aime comment on va mourir. Le mort ou wahida, la mort, une seule. والأسباب مختلفة أو متعددة. Et les causes, il y en a, masha'Allah. Comment tu vas mourir? Allahu alam. Mais tu vas mourir. Tu seras enseveli sous terre. Qui viendra, mon pire Nakir, te poser ces questions-là? Allahumma ja'alna namutu ala l'iman, inshallah. Inshallah, on demande à Allah qu'on meure ala l'iman. Mais la mort, on va y goûter. Vous, si des fois tu n'as pas peur de la mort parce que tu as une foi, mashallah, il arrive des moments où tu as peur de la mort. Tu as peur. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans le Coran, وَلَا نَبْلُوَنَّهُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Et nous les éprouverons par la peur. C'est un moment à passer. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il explique dans un hadith, il dit que ma mère, que pourquoi l'homme il a peur? Il n'a pas peur de rencontrer son Seigneur, le croyant. Le croyant au contraire. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. Que celui qui veut rencontrer son Seigneur, son Seigneur lui aussi est impatient de rencontrer son serviteur. Allah m'a jamais mis. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. Et celui qui ne veut pas rencontrer son Seigneur, t'inquiète pas, son Seigneur aussi ne veut pas le rencontrer. Et dans les deux, il n'y a pas d'injustice. Et dans les deux, il n'y a pas d'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Allah, il est juste. Pourquoi quand même le serviteur il a peur de rencontrer son Seigneur? Pourquoi c'est la peur de l'inconnu? C'est cette étape à franchir. Tu vois, c'est dans le dunya. Tu vas sortir de dunya. Alors on ne peut pas savoir comment on va sortir de dunya. Inch'Allah qu'on sorte salimé, ibn Allah. C'est quoi? Nous on s'imagine, parce qu'à notre niveau intellectuel, on sait que notre aql il est limité. On le sait qu'il est limité. Donc on s'imagine, bien que notre imagination nous laisse toujours des fois rêveur, on rêve, on dit peut-être que ça peut être comme ça, peut-être que ça peut être comme ça. Aujourd'hui, on va s'imaginer que voilà, la dunya c'est quoi? C'est la mosquée. Nous sommes là dans la dunya. Et l'akhira c'est quoi? C'est l'extérieur. Si je me pose la question là tout de suite, est-ce que tu as peur de sortir de là? Tu vas me dire non. Tu sais pourquoi? Il y a la porte, tu prends chez la porte et c'est sorti. Un mu'min bi'idhnillah, c'est comme ça qu'il va sortir de dunya. Un mu'min, c'est comme ça qu'il va sortir de dunya. Il va sortir de dunya comme quand il sort de la mosquée. Mais pourquoi le musulman, le mu'min, il n'a pas peur de sortir de la mosquée? Parce qu'il sait ce qu'il y a à l'extérieur. Et nous, pourquoi on a peur? parce qu'on n'a pas encore ce degré de voir avec les yeux du cœur. On n'a pas ce degré de voir avec les yeux du cœur, de dire que le prophète alayhi salatu wa salam, là il existe. Il ne ment pas le prophète alayhi salatu wa salam. S'il a mentionné que pour le croyant dans sa tombe, c'est ce qu'il aura, bien là. Mais nous, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que maintenant on sait que, parce que on a, la personne, c'est tabi'at al-hal, de par nature, je ne dis pas qu'il croit que ce qu'il voit. Ça c'est la théorie des kuffars. Le moment, il croit ce qu'il ne voit pas. Il fait confiance à son Seigneur, il fait confiance à son prophète, alayhi salatu wa salam. Pourquoi ces Sahaba, ils avaient l'impression, plusieurs fois, on voit dans certains rasoirs, qu'ils voyaient le paradis, même avant qu'ils soient morts. Il y en a qui sentaient l'odeur du paradis. Ils sentaient l'odeur du paradis. Pourquoi? Parce que, ça y est, son cœur, il avait accepté cette chose-là. Ils voyaient le paradis avant de mourir. Ils le voyaient. Ils savaient que ça y est, le paradis, lui sont ouverts. Les portes du paradis sont ouvertes. Ils sentaient l'odeur du paradis. Nous, pourquoi? Parce qu'on a un nettoyage à faire. Le cœur, il est encore moisi. Il faut le nettoyer. Il faut le nettoyer. Alors c'est pour ça que quand on rentre ces données-là, ces bonnes données qui sont « Qala Allah, Qala Rasulullah, Sahaba Rabbi Anum, Yana Hada wa l'ilm al-sahih » L'ilm al-sahih, c'est quoi la science authentique? « Qala Allah, Qala Rasulullah, Qala Sahaba » En dehors de ça, c'est quelqu'un qui me dit « Oui, mais les ulama, les ulama, c'est où il a fait l'anbiya ?» Ce sont les héritiers des prophètes. « La yarifuna dirhaman wa la dinara » Ils n'héritent pas d'argent. Ils héritent d'une science qui émane de leur prophète et d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça qu'on fait confiance à nos savants. Mais pas n'importe lesquels. Pas ceux qui vont te planter des fatwas où tu vas tomber sur ta tête. Non. L'essentiel dans tout ça, c'est que on va y passer. On va y passer dans ce trou. La boule d'Amelmo. Tu seras enseveli, je le répète, tu seras enseveli. Mais si tu étais un bon croyant, si tu suivais le Coran, la Sunna, comme les plus prédécesseurs ont compris le message et nous l'ont donné aujourd'hui, bien là tu seras sauvé, comme on l'a vu dans la première partie du hadith. Mais si tu faisais partie de cette catégorie, et Inch'Allah, bien là c'est ce que je ne souhaite pas et je ne vous souhaite pas, Inch'Allah, mais on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir ce que le temps nous réserve. On ne peut pas savoir. Aujourd'hui, Alhamdoulilah, on vous donne des cours, demain on ne sait pas. On demande toujours cela, c'est pour ça qu'on demande de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est pas à l'abri de l'erreur, on n'est pas à l'abri de l'égarement, on n'est pas au paradis. Abu Bakr Siddiq, Omar Adrakama Abu Bakr Siddiq. Il disait que si j'ai un pied au paradis et l'autre à l'extérieur, je ne dis pas que je fais partie des gens du paradis. C'est Abu Bakr Siddiq, radhiyallahu anhu. Madhkour fil Qur'an. Il est mentionné dans le Qur'an, il fait partie des 10 qui ont été à qui on leur a donné leur nom. À qui on a dit que tu fais partie du paradis. C'est partie des 10 que le prophète alayhi salam, il a mentionné. Après la mort du prophète alayhi salam, c'est qui l'héritier du prophète alayhi salam, Abu Bakr Siddiq. Et il dit ça. Nous, qu'est-ce qu'on doit dire, nous? Il faut nous réveiller, nous. Il faut nous réveiller. Il faut arrêter de jouer. Enfin, on a trop perdu de temps. On a trop perdu de temps. Oh, j'ai le temps, j'ai le temps. Ça ne tente rien. Le temps, il ne t'attend pas, le temps. Il fait son travail, il passe. Aujourd'hui, on est quoi? Le 11e jour du mois du Ramadan. Ça y est, le Ramadan, il faut se finir, là. Il faut se finir. Simple, tu vas te réveiller, ça sera l'Aïd. Après-demain, c'est mon semaine Hajj. Là, les gens, ils partent à la Umrah, là, pour le Ramadan. Bientôt, ça va être le Hajj. Et la roue, elle tourne. Elle continue. Elle fait son temps. Elle fait son temps. Et toi, Yarissim, qu'est-ce que tu as fait? Ah, j'ai le temps, j'ai le temps. J'ai le temps. T'as le temps, non, t'as pas le temps. Allah, son salaire, il t'a donné une chance de te réveiller. Réveille-toi. Réveille-toi avant qu'il soit trop tard. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il mentionne dans la deuxième partie du hadith « Wa inna al-abd al-kafir idan kana fi inqita' min al-dunya » Quand il s'apprête à quitter la dunya « Wa iqbal min al-akhira » Et maintenant, ça y est, il est proche d'aller dans l'akhira. Je suis parti du sujet, je voulais dire quelque chose de très important, je vais m'en rappeler tout de suite. C'est que quand j'ai dit que le croyant, il a quand même peur à un certain moment. Je n'ai pas expliqué pourquoi. Il a peur parce que c'est justement c'est cette phase de transaction qui fait qu'il ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que ça va être une réussite ou ça va être une perte? C'est pour ça que la semaine dernière, je vous ai parlé de Qawl Uthman. Qawl Uthman, et que j'arrivais plus à me souvenir de la parole, mais je m'en suis souvenu après, c'est que Uthman, quand il pleurait, lorsqu'il voyait des tombes et tout ça, il disait « Inna al-qabra, awwal manzil min manazil al-akhira » C'est la première étape. C'est la tombe, c'est la première étape. Si je réussis dans ma tombe, je réussis à toutes les épreuves. Si je rate ma première étape, qui est le succès dans la tombe, je rate toutes les autres épreuves. C'est pour ça qu'il pleurait. Ah, mais quelqu'un qui est destiné au paradis, pourquoi tu veux qu'il pleure? Il sait que ça y est, il est au paradis. Quelqu'un qui est destiné à l'enfer, tant pis pour lui. Mais dans la tombe, tu vas savoir si tu fais partie des gens du paradis ou si tu fais partie des gens de l'enfer. C'est pour ça qu'il avait peur. C'est la première étape. نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المصوح المصوح c'est quoi déjà ces anges qui vont descendre parce que l'ange de la mort quand il vient il vient pas tout seul l'ange de la mort quand il vient pas tout seul il vient avec ses ascendants il a des gens avec qui parfois là c'est pas des gens des anges avec qui il travaille lui il s'occupe de quoi de prendre la roche une fois qu'il a pris la roche les autres anges s'occupent à le préparer. Si c'était des mu'minines, comme on l'a vu dans le hadith, la première partie, ce sont des anges qui sont agréables à la vision. Tu les vois, t'es content, ça frappe. Et ils vont s'occuper de toi, ils vont te laver avec le hanout. Le hanout, on avait dit que c'était quoi? C'était des parfums du paradis. Et ils vont t'en servir avec des kafirs du paradis. Et par rapport au kafir, c'est le contraire. Le kafir, qu'est-ce qu'il a? Le moussour. Le moussour, c'est quoi? Je vous donne un exemple. C'est tous ces vêtements, c'est la frite qui est sale là. C'est la frite, les vêtements mais sales et tout ça. Mais ici, ça a une autre connotation, attention. Ça, c'est pour vous donner une image. Ici, c'est quoi? Il te dit « Jam'un mit bi kasr al-mim wa huwa ma yulbasu min nasij al-sha'ri ala al-badani taqashufan wa qahran lil-badan » C'est comme ça. Mais ici, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des vêtements sortis de l'enfer. Ce sont des vêtements qui sont mauvais, nauséabondes. C'est ça qu'il faut comprendre. Minunar, Sayyad Visou, Namin Mohamed El Bassar. Quand tu les vois, ces anges-là, ils t'effraient, t'as peur au moment de l'agonie. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous ai dit que la première étape, bien sûr, il y a la première étape qui est la tombe, mais il y a des promesses, comme on dit. C'est-à-dire des avant. C'est ça, des avant. Oui, des avant, c'est des prémices, c'est ça. Voilà. Alors, les premières prémices, c'est quoi? C'est quand avec le qui vient à ce moment-là. Quand il vient déjà, le qui appelle quand il veut cette. L'ange de la mort venir avec un aspect effrayant et des anges effrayants, avec une odeur nauséabonde et tout ça. Bien entendu, il faut la nous en préserve, Inch'Allah. C'est grave, la situation est grave. Et il s'assoit autour de lui, la peur, cet homme-là. C'est pour ça que tu vois des fois quand tu vois, subhanallah, ça n'a rien à voir avec le coup, mais des fois quand tu vois dans des films, tu dis, mais subhanallah, des fois ils tirent les choses de la réalité. Quand tu vois ces gens qui vont mourir, tu les vois, ils sont effrayés, et ils meurent comme ça. Non, il faut faire le charah de ça. Tu dis, c'est normal, il a du mal à Kulmout avec un aspect effrayant. C'est pour ça qu'il a été effrayé. Tu le vois, il est comme ça, effrayé, il est crispé, il est. On fait le charah court, tu vois, parce qu'on a le hadith. Et des fois, quand tu vois quelqu'un, il meurt, il est retourné, tout ça, tu te dis, ah, lui, il a rencontré Malek al-Mout dans de bonnes formes. Thumma yajiu Malek al-Mout, hatta yajlisa 'inda ra'sihi fa yaqul. Alors Malek al-Mout, il vient à ce moment-là. Il s'assoit juste devant sa tête au moment où il va lui sortir sa roue. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ayyatuha an-nafs al-khabitha, oh mauvaise âme. Comme ça. Ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadabin. Sors, rencontrer la punition. Et la colère de ton Seigneur. Qala fatafarraqu fi jasadihi yantaj'uha kama yuntaz'u al-fusud kathir al-sha'b. Cette âme-là, elle a tellement peur de sortir quand elle voit Malek al-Mout dans cet aspect et qu'il lui crie dessus qu'elle rentre dans le corps. Elle va essayer de rentrer dans le corps. Malek al-Mout, il va la chercher. Il va la chercher comme quand tu sortais, tu vois, il nous donne des exemples, il y a d'autres hadiths qui nous donnent cet exemple-là, que tu vois une épine, quand tu la mets dans le coton et que tu sors le coton, tu ramènes tout le coton avec toi. C'est ça, cette branche épineuse que tu mets dans le coton, tu sors. En fait, c'est comme ça. La roche, elle sort, elle se déchire, c'est-à-dire elle déchire les frères en sortant, déjà la première souffrance. Premier hasard, premier châtiment. Malek al-Mout, il va la chercher. Parce que c'est son travail. Tu peux pas échapper à Malek al-Mout. Qui ne peut pas échapper à Malek al-Mout? que tu meurs dans ton lit, que tu meurs en accident, que tu meurs en avion, que tu meurs en bateau, que tu meurs en souvenir, que tu meurs explosé, que tu meurs comme tu veux, tu ne peux pas échapper à Malek al-Mout. Malek al-Mout, c'est que si tu es mort, c'est que Malek al-Mout est passé. Il est passé lorsque tu as roi. Donc il est sauf le mabloul. فتقطع معه العروق والعصب. Alors en sortant la roche, en sortant du corps, elle déchire tout au passage, les artères, les veines, tout, tout, tout, tout. Il souffre. فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض. Et alors à ce moment-là, tous les anges qui se trouvent entre les cieux et la terre, ils le maudissent. Le kafir, il est maudit. وكل ملك في السماء وتغلق ابواب السماء على غصن مولا les portes du ciel sont fermées à lui. ليس من اهل باب الا وهم يدعون الله الا تعرج روحه من قبلهم. Et alors là les anges ils invoquent Allah, ya Allah, parce que cette roche ne passe pas par ce chemin là que la bonne âme avait pris. La bonne âme elle est passée, le samad dunya, le premier ciel, le deuxième ciel, ainsi de suite. Ils font des doigts contre cette mauvaise âme. Ya Allah, ferme toutes les portes. Parce que cette femme ne passe pas par nous. Tu vois? Alors, les autres anges qui sont là, maintenant, pour s'occuper de cette maudite âme, ils la prennent. Fa'ida akhadaha lam yada'uha fi yadihi farfata'ayn hatta yaj'aluha fi tilka al-musuh. Et l'ange de la mort, une fois qu'il a pris cette âme-là, il n'a pas le temps de la prendre que les autres anges, déjà, ils l'ont pris. Parce que tout ce que vous a dit que l'ange de la mort, c'est quoi son travail? C'est simplement de faire sortir la roche du corps. Une fois que la roche du corps est sortie, c'est les autres anges qui vont s'occuper. C'est les autres anges qui vont s'occuper de la nettoyer ou bien de la salir encore plus. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils le mettent dans ce monceau. Le monceau, c'est ce que vous avez dit que c'était de la frite, des vêtements sales, mais ici pour dire que c'est des vêtements de l'enfer. Alors il est enroulé, entouré dans ces vêtements de l'enfer. وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رُوحِ جِفَتٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجِهِ الْأَرْضِ. Alors cette roche là, si le prophète ici l'a décrit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'odeur que cette roche elle dégage, c'est pire qu'une odeur de charogne qu'on ait pu un jour dans notre vie sentir. C'est-à-dire une bête morte, quand il fait chaud et qu'elle est morte, comment elle pourrit et comment elle sent. C'est une odeur vraiment désagréable. Tu peux pas rester. Et des fois cette odeur là, tu t'éloignes de ce cadavre. Et tu sens l'odeur à l'intérieur dans ton nez. Envers la roche, la mauvaise âme, la maudite, c'est comme ça qu'elle sentira. C'est la terre. Comment nous en préserve. فَيَسْعَدُونَ بِهَا. Alors ils vont monter avec cette âme. فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَائِن مِنَ الْمَلَائِكَ إِلَّا قَلُوا. Il n'y a pas, c'est-à-dire cette roche, elle monte, il n'y a pas un moment où elle passe devant un groupe d'anges, excepté que ces anges disent, مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ. Quelle est cette mauvaise âme? Quelle est cette mauvaise âme? فيقولون فلان ابن فلان. C'est un tel fils d'un tel. بأقبح أسمائه التي كانوا يسمى بها في الدنيا. Avec les plus mauvais noms, ils lui donneront les plus mauvais noms qu'il avait sur terre. حتى ينتهي به إلى سماء الدنيا. فيستفتح له فلا يفتح له. Alors une fois qu'ils vont arriver à la limite du ciel de la dunya pour passer au premier ciel, parce que tout ce qu'on voit ici actuellement, c'est quoi? C'est le samad dunya. C'est le samad dunya. C'est le ciel de la dunya. On n'est pas encore arrivé au premier ciel. Mais c'est quoi le samad dunya? C'est pas le ciel, et après quand tu vois le ciel, tu vois l'espace, tu crois que ça c'est le premier ciel. Non, le premier ciel, mais c'est le samad dunya. C'est toutes ces galaxies que l'œil peut voir, même avec les télescopes. Toutes ces galaxies que tu vois, la lune et derrière la lune, et toutes ces galaxies que les hommes ont pu voir. Parce que c'est ce qu'on a dit. Que l'homme ne peut plus voir, c'est ça. Sama al-awwal. Mais tout ce qui est sama al-dunya, tout ce que tu peux voir, c'est ça rentre dans la dunya. Donc quand on voit ces gens-là, ces astronautes qui montent dans l'espace et qui jettent des satellites et qui ont découvert Saturne et Pluton, la Lune, et toutes ces lignes-là, hein, toute cette chaîne galactique, tout ça, ça fait quoi? Ça fait partie de sama al-dunya. Et non pas comme le ciel bleu qu'on voit là. Et après le ciel, dès qu'on voit l'espace, on croit que c'est Sama al-Awwal. Non, Sama al-Dunya, c'est tout ce que l'homme peut voir. ce qu'il a de voir, c'est sa rendre en dunya. C'est makhlouq. C'est création d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Dès que c'est l'awwal, c'est la création d'Allah. Oui, ça fait partie de l'autre monde, l'invisible, l'akhira. Donc ce mal dunya, c'est cette roue, elle arrive à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là. Et alors, les anges demandent aux anges qui vont s'occuper d'ouvrir les portes de ce mal awwal, d'ouvrir la porte. Ils refusent. Ils ne veulent pas l'ouvrir. Ils demandent, ils ne veulent pas l'ouvrir. La tuftahu lahum abwab as-sama, les portes de sama al-awwal ne seront pas ouvertes. Wa la yadkhuluna al-jannah. Je sautais une ligne, afwan. Donc on a dit, فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم après le prophète عليه الصلاة والسلام il a récité ces vers. قال لا تفتح لهم أبواب السماء, les portes du ciel dont ils ne seront pas ouverts. ولا يدخلون الجنة, ils ne rentreront pas au paradis. حتى يلج الجمل في السم الخياط, jusqu'à que le chameau rentre dans l'œil d'une aiguille. Comme on sait qu'un chameau ne rentrera jamais dans l'œil d'une aiguille, ça veut dire jamais. فيقول الله عز وجل alors à ce moment-là qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dira, اكتبوا كتابه في سجين, écrivez son nom في سجين في الأرض السفلي ثم يقال السجين, c'est quoi? C'est le livre qui est destiné aux gens de l'enfer. Alors son nom sera écrit dans ce livre-là et il sera في الأرض السفلي. الأرض السفلي, c'est la terre tout en bas, tout en bas, tout en bas. ثم يقال أعيد عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. Et il dira, remettez mon esclave sur terre, ensevelissez-le sous terre. C'est de elle que je les ai créés et c'est de elle que je leur ai promis leur retour et c'est de elle que je les ferai ressortir à nouveau pour le jugement. فتطرح روحه في السماء. Alors la roue elle sera jetée. De tout là-haut. Sera jeté. Les anges vont la jeter. Tarham hatta taqa'a fi jasadihi. Et elle rentrera en catastrophe dans le corps. À nouveau. La roue. Elle rentrera en catastrophe. Tout ça, ce sont déjà des châtiments déjà. Hatta taqa'a fi jasadihi. Qara'a. Après le prophète, il a dit que c'était وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ, celui qui associe à Allah subhanahu wa ta'ala, فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, c'est comme s'ils sont des gueules. Et alors c'est comme si c'était un oiseau, tu vois, qu'il avait. L'oiseau quand il lâche la chose. C'est comme elle tombe la chose. Et elle est jetée dans un endroit, tu vois, sahir. Alors, la roche, elle est rendue dans le corps. لا يسمع خفقا على أصحابه إذا ولو عنه. Et alors là, comme on a dit, il entendra parler le gens qui est là. Ce que vous avez dit dans de la dernière, on le répète, mais qu'un autre âge. On vous avait dit que le croyant c'était ça, mais on vous décrit que quelque chose c'était comme ça. La même chose. Il va encore entendre les états de qui sont venus. Pourquoi que à ce moment-là, le corps est élevé au cimetière. Il est rentré dans sa tombe. Dans sa tombe, il aura encore le dernier pas de gens qui sont venus le rendre. Les gens de famille, les proches, les amis, ils sont juste intervenants. C'est pour ça qu'ils sont fils et filles, il ne faudra plus. Il n'entend plus. Le mort, dans sa tombe, il n'entend pas. Là, il est mort. Il n'entend pas. Quel moment il entend? À ce moment-là. Au deuxième moment, je vous avais dit, c'est quoi? C'était quand les gens viennent le saluer. On est comme cela, là. Quand les gens le saluent, quand c'est un croyant et que quelqu'un est dans un succès, un croyant, il vient le saluer. Salam alaykoum. Il faut l'ouvrir dedans. Alors là, il est fort. Et c'est le prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète alayhi salatu wa salam, ce sont des gens qui vont s'occuper de le salam. Ils notent, mais c'est sérieusement tout ça. Hein. Quand tu passes par le prophète alayhi salatu wa salam et tu lui dis salam alaykoum ya Rabbullah, quand il y a un âge, qui note. Foulain, a salué le prophète à tel moment. Il descend, il dit que un tel a salué, le prophète alayhi salatu wa salam remonte et passe une flamme. C'est ça, une seconde. D'accord? Donc ce cœur, il est où maintenant? Dans sa tombe. Il est où? Et dans sa tombe, ce cœur. Et si j'y mets quand même, par deux anges vont venir. Comme pour le croyant. Deux anges vont venir. Shadid al-Inhar. comme le croyant est bronzé, bondulé. Il dit Sanihi, il veut s'asseoir, Fayakulan ilahu. Ben Rabouk. Tu vois? Fayakul. Et ce terme-là, Rabbi, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui a dit Bahki, Rafil Ia. Quand tu dis Oudia, Cheikh Lani Rahimahullah, il explique ce que veut dire ce mot en arabe. Ce mot-là de Ah, il veut se dire des fois quand quelqu'un rigole, quand il rigole fortement, des fois il veut se dire, par exemple, quand quelqu'un frappe quelqu'un et qu'il a mal, il faut dire tu vois comment il dit ? Même chose. Mais ici, justement, c'est le mal qui l'atteint. Il a peur, il sait quoi dire, il est perturbé dans sa tête. Quand il voit ces deux anges qui font le cul, quand il voit deux anges effrayants, il va dire mais la boca. Il a peur. Il a peur. Il va donner, c'est content, d'ailleurs. Je lui sais des faits qu'Allah lui a donné. Et je lui sais des bienfaits qu'Allah lui a donné. Dans le Messie, dans le Haram. Parce que le bienfait, il se divise en deux. Quand tu parles de halal, tu parles de haram. Un exemple. De rien, c'est halal. Tu te maries, alhamdoulilah. C'est le jour de ta, il n'y a pas de problème. Mais tu n'es pas marié, il touche une femme. S'il ne t'est pas. C'est-à-dire que tu n'as pas fait un travail avec elle, c'est du ham. C'est une malade quand elle est utilisée dans le hal. Bien, c'est qu'Allah donne, subhanahu wa ta'ala. Si tu l'es dans le haram, rayou. Si tu l'es dans le halal, alhamdulillah. Donc lui, dans ce cas, billah, je lui ai des biens avec le dunya, l'alcool, le pain, le khamar, le jeu de hasard. Et je sais, le riba, les intrigues, le lâche. C'est terrible. Après tout d'un il se trouve. Je suis bien venu, on verra la suite après. On verra la suite après, on verra le commencement la suite après. Quand des anges, quand des anges, ils vont l'interroger, mais Rabbouka, qui est ton Seigneur? Et alors, qu'est-ce qu'il répondra? Effrayé. Le rappeur, il sera prêt. Non, mais il n'a pas connu le Seigneur, il n'a pas connu sa religion. Il n'a pas connu son prophète, alayhi salam. C'est un animal. Qui est un animal? L'animal dit au moins, Yuskola. Juste pour Allah. Mais disons, c'est pour ça qu'on peut faire comme un animal. C'est pas de dire qu'un animal qui ressemble à un animal. Non, l'animal est mieux que lui. Soit ta hayawan. Ta hayawan. C'est pour ça qu'il appelle bien les jours du jour dernier. Quand Allah, subhanahu wa ta'ala, le premier jugement d'animaux. Une fois qu'il jugera d'animaux, parce que les animaux vont être jugés, attention. C'est justement pourquoi, là, pour cette page-là. Pour que les gens voient que Allah, subhanahu wa ta'ala, était juste. Une fois que les juges venus nous frapper, qu'est-ce qu'il dira ces amis? Qu'on rada sur une terre, ces amis deviendront. Donc quelqu'un qui va pas, qu'est-ce qu'il va dire? Ya laïtan, qu'on nous soit rada. C'est simplement refus de faire comme les animaux. Eh oui, le casseur quand il va ça, c'est quoi? Ya laïtan, qu'on nous soit rada. Si je pouvais atteindre aussi à ce moment-là. Et à ce moment-là, c'est quoi? Le madame laïda, le regret. C'est fini le regret. T'as vécu ça dans 70 ans, 80 ans, voire plus, loin. Alors là, tu as une conscience pour plus réfléchir. Ça paraît fini, c'est trop tard. Ça mène à la haine. Ça dit, Alhamdulillah, celui qui se trouvera bien, le jour du Qiyam. Alhamdulillah, ya Rabbi Alam. Alhamdulillah, il sera quoi? Abdel Wajada, il a dalik. Salam, ou Malila, la terre. Celui qui trouvera au chèque. Il ne s'en prendra qu'un même. Il ne l'a pas, il ne l'a pas, il ne l'a pas, il ne l'a pas, il ne l'a pas, il ne l'a pas, il ne l'a pas, il ne l'a pas, il ne l'a pas, il sera récompensé, sera châtié par rapport à ce que tu as fait. Tu fais le bien, mais l'âme est la femme, tu fais le pied. Comme il a ça, tu vas aller. Si tu fais le bien, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Si tu fais le mal, c'est pour toi, c'est pour moi. Alors les deux lui diront, même l'avocat, il dit, la adri, il ne sait pas. C'est normal, il dit ça. Ça y est, là, là, qu'est-ce qu'il lui dit? Ça, tu as qu'on lui a dit, je l'ai l'aboué, ça fait fait comme. Et il t'aura fait voir l'image du prêtre, alayhi salam. Il saura répondre. Cela, il a dit les filles, il ne saura pas, il ne connaît pas le prêtre Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne le connaît pas. Il va dire, qu'est-ce qu'il dit? Il saura. Va yuqalu Mohamed. Et les deux diront Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Va yuqalu Adri. Je ne sais pas, je ne sais pas. Samiatu n'a yaqulu nak zak. Va yuqalu Adri. Il dit, il a entendu moi les gens dire les choses chaudes. Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Il a peur. Il a peur. Cela dit donc. Mon aide est sa main. Un alors il dira, à Kadaba, ça fait les choses où l'on est mort. Alors il a menti, il n'a pas su répondre. Il a raté. Il a raté son erreur. Ça fait les choses où l'on est mort. Alors, c'est lui, elle peut l'échouer ici, comme on a dit la semaine dernière, c'est quoi? Pour le croyant, c'est des tapis de paradis. Ici, ça, c'est des tapis de l'enfer, où il y aura des baises, la lave, du feu, tout ça. C'est un peu l'échouer de l'enfer. وَاسْتَحُوا لَهُبَ الْجَنَّارِ Et ouvrez le port, il va être donné à l'enfer. وَأْتِهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَوْمِهَا وَيُدِيَقُوا عَلَيْهِ كَرُوْهَةَ تَقْلِفَ فِي أَضْلَاعُهُ Alors à ce moment-là, il y aura une chaleur, une effet de chaleur qui rentrera sa tombe. Il y aura une mauvaise odeur qui s'emplacera. Et la tombe va se réduire dans les côtes, parce que c'est pas vous rentrer à elle. C'est quoi? Vous rentrez pas. Et ça, c'est se prendre sur souffrance. En attendant la souffrance, faites la petite souffrance. Donc après, وَفِيهِ فِي رِوَيَةٍ وَيُسَلُوا لَهُ رَجُلٌ قَبِيحٌ ثِيَابٌ مُنْتِنُ رِيحٌ Alors, il viendra un homme avec un aspect قَبِيحٌ Son visage est criant quand tu vois ta peur. Son visage, tu vois ta peur. Il aura peur. Là, c'est un homme, Inch'Allah. Avec une kafir. Il a peur. Il est صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قَبِيحٌ ثِيَابٌ Sinon, quand tu le vois, شُوْ صَلَى اللَّهُ Tous les exemples des fois que le prophète a.s. il donne, tu peux les rencontrer de vie de la vie de toujours. Une perle. Qui ça les cloches, c'est les cheveux. Retiens-toi. Il ne te voit pas, tu rentres dans le truc, t'as fait doux. Tu n'as des odeurs. Des fois, tu demandes des 2-3 ans, l'odeur elle est encore à pire, changer de ventre. Donc l'odeur elle est mauvaise, elle faisait avant. Il faut ça, parce que la France, il y a des fois qu'on les cheveux et tu parles les bouches, tu osais attendre, je ne suis pas violent. Pourquoi que tu pues à violent, mais c'est sûr. Entretiens ta chevelure. Coiffe-toi. Lave les cheveux. Mets du lit. Tu es sûr de mettre du tout dans les cheveux. En bas, alhamdulillah, le muslim. Il doit être beau. Il doit être présentable. Parce que même s'il ne fait pas berloir avec la bouche, il fait berloir avec son aspect. Et il ne faut pas faire personne qui se laisse aller, il dit n'importe comment. Et qui arrive en. Il y a un seul qui le plus.